Section 7. De poésies allemandes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johann. Poésies allemandes traduites par Gérard de Nerval. Schiller, poème 9 à 12. Le dragon de Rhodes. Où court ce peuple ? Qu'a-t-il à se précipiter en hurlant dans les rues ? Rhodes est-elle la proie des flammes ? La foule semble encore s'accroître, et j'aperçois au milieu d'elle un guerrier à cheval. Derrière lui, ô surprise, on traîne un animal dont le corps est d'un dragon et la gueule d'un crocodile. Et tous les yeux se fixent avec étonnement, tantôt sur le monstre, tantôt sur le chevalier. Et mille voix s'écrient. Voilà le dragon, venez le voir, voilà le héros qui en a triomphé. Bien d'autres sont partis pour cette périlleuse entreprise, mais aucun n'en était revenu. Honneur au vaillant chevalier. Et la foule se dirige vers le couvent où les chevaliers de Saint-Jean se sont à la hâte rassemblés en conseil. Et le jeune homme pénètre avec peine dans la salle, à travers les flots du peuple qui l'obstruait, s'avance d'un air modeste vers le grand maître et prend ainsi la parole. « J'ai rempli mon devoir de chevalier. Le dragon qui dévastait le pays gît, abattu, par ma main. Les chemins n'offrent plus de danger aux voyageurs. Le berger peut sans crainte faire paître ses troupeaux. Le pèlerin peut aller paisiblement dans les rochers visiter la sainte chapelle. Le grand maître lui lance un regard sévère. « Tu as agi comme un héros, lui dit-il. La bravoure honore les chevaliers, et tu en as fait preuve. » Dis-moi cependant, quel est le premier devoir de celui qui combat pour le Christ et qui se pare d'une croix ? Tous les assistants pâlissent, mais le jeune homme s'incline en rougissant et répond avec une noble contenance, l'obéissance est son premier devoir, celui qui le rend digne d'une telle distinction. Et ce devoir, mon fils, répond le grand maître, tu l'as violé quand ta coupable audace attaqua le dragon au mépris de mes ordres. Seigneur, « jugez-moi seulement d'après l'esprit de la loi, car j'ai cru l'accomplir. Je n'ai pas entrepris, sans réfléchir, une telle expédition, et j'ai plutôt employé la ruse que la force pour vaincre le dragon. » Cinq chevaliers, l'honneur de notre ordre et de la religion, avaient déjà péri victimes de leur courage, lorsque vous nous défendîtes de tenter le même combat. Cependant, ce désir me rongeait le cœur et me remplissait de mélancolie. La nuit, des songes m'en retraçaient l'image, et quand le jour venait éclairer de nouvelles dévastations, une ardeur sauvage s'emparait de moi au point que je résolus enfin d'y hasarder ma vie. Et je me disais à moi-même, d'où naît la gloire, noble parure des hommes ? Qu'ont-ils fait, ces héros chantés des poètes, et que l'Antiquité élevait au rang des dieux ? Ils ont purgé la terre de monstres, combattu des lions, lutté avec des minotaures pour délivrer de faibles victimes, et jamais ils n'ont plaint leur sang. Les chevaliers ne peuvent-ils donc combattre que des sarrasins ou détrôner que des faux dieux ? N'ont-ils pas été envoyés à la terre comme libérateurs pour l'affranchir de tous ses maux et de tous ses ennemis ? Cependant, la sagesse doit guider leur courage et l'adresse suppléer à la force. Ainsi me parlais-je souvent et je cherchais seul à reconnaître les lieux habités par le monstre. Enfin, mon esprit m'offrit un moyen de l'attaquer et je m'écriais, plein de joie, « Je l'ai trouvé ! » Et, me présentant à vous, je vous témoignai le désir de revoir ma patrie. Vous accédâtes à ma prière. Je fis une heureuse traversée, et de retour à peine dans mon pays, je fis exécuter par un habile ouvrier l'image fidèle du dragon. C'était bien lui. Son long corps pesait sur des pieds courts et difformes. Son dos se recouvrait horriblement d'une cuirasse d'écailles. Son col était d'une longueur effrayante, et sa gueule s'ouvrait pour saisir ses victimes. Hideuse comme une porte de l'enfer, armée de dents qui éclataient blanches sur le gouffre sombre de son gosier, et d'une langue aiguë comme la pointe d'une épée. Ses petits yeux lançaient d'affreux éclairs, et au bout de cette masse gigantesque s'agitait la longue queue en forme de serpent dont il entortille les chevaux et les hommes. Tout cela, exécuté en petit et peint d'une couleur sombre, figurait assez bien le monstre, moitié serpent, moitié dragon, au sein de son marais empoisonné. Et quand tout fut terminé, je choisis deux dogues vigoureux, agiles, accoutumés à chasser les bêtes sauvages. Je les lançai contre le monstre, et ma voix les excitait à le mordre avec fureur de leurs dents acérées. Il est un endroit où la poitrine de l'animal dégarnie d'écailles ne se recouvre que d'un poil léger. C'est là surtout que je dirige leurs morsures. Moi-même, armé d'un trait, je monte mon coursier arabe et d'une noble origine. J'excite son ardeur en le pressant de mes éperons et je jette ma lance à cette vaine image comme si je voulais la percer. Mon cheval se cabre effrayé, hennit, blanchit son mors d'écume et mes dogues hurlent de crainte à cette vue. Je ne prends point de repos qu'il n'y soit accoutumé. 3 mois s'écoulent et lorsque je les vois bien dressés, je m'embarque avec eux sur un vaisseau rapide. Arrivé ici depuis 3 jours, j'ai pris à peine le temps nécessaire pour reposer mes membres fatigués jusqu'au moment de l'entreprise. Mon cœur fut vivement touché des nouveaux désastres de ce pays que j'appris à mon arrivée, de la mort surtout de ces bergers qui s'étaient égarés dans la forêt et qu'on retrouva déchirés. Je ne pris plus dès lors conseil que de mon courage, et je résolus de ne pas différer plus longtemps. J'en instruisis soudain mes écuyers, je montai sur mon bon cheval, et, accompagné de mes chiens fidèles, je courus par un chemin détourné et en évitant tous les yeux à la rencontre de l'ennemi. Vous connaissez, Seigneur, cette chapelle, élevée par un de vos prédécesseurs, sur le rocher d'où l'on découvre toute l'île ? Son extérieur est humide et misérable, et cependant elle renferme une merveille de l'art, la Sainte Vierge et son Fils, adorés par les 3 rois. Le pèlerin, parvenu au faîte du rocher par 3 fois 30 marches, se repose enfin près de son Créateur en contemplant avec satisfaction l'espace qu'il a parcouru. Il est au pied du rocher une grotte profonde, baignée des îlots de la mer voisine où jamais ne pénètre la lumière du ciel. C'est là qu'habitait le reptile et qu'il était couché nuit et jour, attendant sa proie. Ainsi veillait-il, comme un dragon de l'enfer, au pied de la maison de Dieu, et si quelque pèlerin s'engageait dans ce chemin fatal, il se jetait sur lui et l'emportait dans son repaire. Avant de commencer l'effroyable combat, je gravis le rocher, je m'agenouille devant le Christ, et, ayant purifié mon cœur de toute souillure, je revais dans le sanctuaire mes armes éclatantes. J'arme ma droite d'une lance et je descends pour combattre, puis, laissant en arrière mes écuyers à qui je donne mes derniers ordres, je m'élance sur mon cheval en recommandant mon âme à Dieu. À peine suis-je en plaine que mes chiens poussent des hurlements et mon cheval commence à se cabrer d'effroi. C'est qu'ils ont vu tout près la forme gigantesque de l'ennemi qui, ramassé en tas, se réchauffait à l'ardeur du soleil. Les dogues rapides fondent sur lui, mais ils prennent bientôt la fuite en le voyant ouvrir sa gueule haletante d'une vapeur empoisonnée et pousser le cri du chacal. Cependant, je parviens à ranimer leur courage. Ils retournent au monstre avec une ardeur nouvelle, tandis que d'une main hardie, je lui lance un trait dans le flanc. Mais, repoussé par les écailles, l'arme tombe à terre sans force, et j'allais redoubler lorsque mon coursier, qui épouvantait le regard de feu du reptile et son haleine empestée, se cabra de nouveau et s'en était fait de moi. Si je ne me fusse jeté vite à bas de cheval. Mon épée est hors du fourreau, mais tous mes coups sont impuissants contre le corselet d'acier du reptile. Un coup de queue m'a déjà jeté à terre, sa gueule s'ouvre pour me dévorer, quand mes chiens, s'élançant sur lui avec rage, le forcent à lâcher prise. Ils lui font pousser d'horribles hurlements, déchiré qu'il est par leurs morsures. Et, avant qu'il se soit débarrassé de leur attaque, je lui plonge dans la gorge mon glaive jusqu'à la poignée. Un fleuve de sang impur jaillit de sa plaie, il tombe et m'entraîne avec lui, enveloppé dans les nœuds de son corps. C'est alors que je perdis connaissance et, lorsque je revins à la vie, mes écuyers m'entouraient et le dragon gisait étendu dans son sang. À peine le chevalier eut-il achevé que des cris d'admiration, longtemps comprimés, s'élancèrent de toutes les bouches et que des applaudissements cent fois répétés éclatèrent longtemps sous les voûtes sonores. Les guerriers de l'ordre demandèrent même à haute voix que l'on décernât une couronne au héros. Le peuple reconnaissant voulait le porter en triomphe. Mais le grand maître, sans dérider son front, commanda le silence. « Tu as, dit-il, frappé d'une main courageuse le dragon qui dévastait ses campagnes. Tu es devenu un dieu pour le peuple, mais pour notre ordre, un ennemi. Et tu as enfanté un monstre bien autrement fatal que n'était celui-ci, un serpent qui souille le cœur, qui produit la discorde et la destruction, en un mot, la désobéissance. Elle hait toute espèce de subordination, brise les liens sacrés de l'ordre et fait le malheur de ce monde. Le Turc est brave comme nous. C'est l'obéissance qui doit nous distinguer de lui. C'est dans les mêmes lieux où le Seigneur est descendu de toute sa gloire à l'état abject d'un esclave que les premiers de cet ordre l'ont fondé afin de perpétuer un tel exemple. L'abnégation de toutes nos volontés, devoir qui est le plus difficile de tous, a été la base de leur institution. Une vaine gloire t'a séduit. Ôte-toi de ma vue. Celui qui ne peut supporter le joug du Seigneur n'est pas digne de se parer de sa croix. » La foule, à ces mots, s'agite en tumulte et remplit le palais d'impétueux murmures. Tous les chevaliers demandent en pleurant la grâce de leur frère. Mais celui-ci, les yeux baissés, dépouille en silence l'habit de l'ordre, baise la main sévère du grand maître et s'éloigne. Le vieillard le suit quelque temps des yeux, puis le rappelant du ton de l'amitié, « Embrasse-moi, mon fils. Tu viens de remporter un combat plus glorieux que le premier. Prends cette croix. Elle est la récompense de cette humilité qui consiste à se vaincre soi-même. » Jeanne d'Arc, le démon de la raillerie, t'a traîné dans la poussière pour souiller la plus noble image de l'humanité. L'esprit du monde est éternellement en guerre avec tout ce qu'il y a de beau et de grand. Il ne croit ni à Dieu ni aux esprits célestes. Il veut ravir au cœur tous ses trésors. Il anéantit toutes les croyances en attaquant toutes les illusions. Mais la poésie, d'humble naissance comme toi, est aussi une pieuse bergère. Elle te couvre de tous les privilèges de sa divinité, elle t'environne d'un cortège d'étoiles et répand la gloire autour de toi. Ô toi, que le cœur a fait ce que tu es, tu vivras immortel. Le monde aime à obscurcir tout ce qui brille, à couvrir de fange tout ce qui s'élève. Mais ne crains rien. Il y a encore de bons cœurs qui tressaillent aux actions sublimes et généreuses. Momus fait les délices de la multitude. Un noble esprit ne chérit que les nobles choses. Le Gant. Le roi de France assistait à un combat de bêtes féroces, entouré des grands de sa cour et un cercle brillant de femmes décorait les hautes galeries. Le prince fait un signe, une porte s'ouvre, un lion sort d'un pas majestueux. Muet, il promène ses regards autour de lui, ouvre une large gueule, secoue sa crinière, allonge ses membres et se couche à terre. Et le prince fait un nouveau signe. Une seconde porte s'ouvre aussitôt, un tigre en sort en bondissant. À la vue du lion, il jette un cri sauvage, agite sa queue en formidables anneaux, décrit un cercle autour de son ennemi, et vient enfin, grondant de colère, se coucher en face de lui. Le roi fait un signe encore, les deux portes se rouvrent et vomissent deux léopards. Enflammé de l'ardeur de combattre, il se jette sur le tigre, qui les saisit de ses griffes cruelles. Le lion lui-même se lève en rugissant, puis il se tait. Et alors commence une lutte acharnée entre ces animaux avides de sang. Tout à coup, un gant tombe du haut des galeries, lancé par une belle main, entre le lion et le tigre. Et la jeune Cunégonde, se tournant d'un air railleur vers le chevalier de l'orge, « Sire chevalier, prouvez-moi donc ce profond amour que vous me jurez à toute heure, en m'allant relever ce gant. » Et le chevalier se précipite dans la formidable arène, et d'une main hardie va ramasser le gant au milieu des combattants. Tous les yeux se promènent de la dame au chevalier, avec étonnement, avec effroi. Celui-ci revient paisiblement vers Cunégonde, et de toutes les bouches sort un murmure d'admiration. La dame le reçoit avec un doux sourire, présage d'un bonheur assuré. Mais le chevalier, lui jetant le gant avec dédain, « Point de remerciement, madame !» et il la quitte, toute confuse, d'une telle leçon. L'idéal. Tu veux donc, infidèle, te séparer de moi, avec tes douces illusions, tes peines et tes plaisirs. Rien ne peut arrêter ta fuite, au temps doré de ma jeunesse. C'est en vain que je te rappelle. Tu cours précipiter tes ondes dans la mer de l'éternité. Ils ont pâli ces gais rayons qui jadis éclairaient mes pas. Ces brillantes chimères se sont évanouies qui remplissaient le vide de mon âme. Je ne crois plus aux songes que mon sommeil m'offrait si beaux et si divins. La froide réalité les a frappés de mort. Comme Pygmalion, dans son ardeur brûlante, embrassait un marbre glacé jusqu'à lui communiquer le sentiment et la vie, je pressai la nature avec tout le feu de la jeunesse afin de l'animer de mon âme de poète, et, partageant ma flamme, elle trouvait une voix pour me répondre. Elle me rendait mes caresses et comprenait les battements de mon cœur. L'arbre, la rose, tout pour moi naissait à la vie. Le murmure des ruisseaux me flattait comme un chant. Mon souffle avait donné l'existence aux êtres les plus insensibles. Alors tout un monde se pressait dans ma poitrine, impatient de se produire au jour par l'action, par la parole, par les images et les chants. Combien ce monde me parut grand tant qu'il resta caché comme la fleur dans son bouton. Mais que cette fleur s'est peu épanouie, qu'elle m'a semblé depuis chétive et méprisable. Comme il s'élançait le jeune homme insouciant et léger dans la carrière de la vie, heureux de ses rêves superbes, libre encore d'inquiétude, l'espérance l'emportait aux cieux. Il n'était pas de hauteur, pas de distance, que ses ailes ne pussent franchir. Rien n'apportait obstacle à cet heureux voyage, et quelle foule aimable se pressait autour de son char. L'amour avec ses douces faveurs, le bonheur couronné d'or, la gloire, le front ceint d'étoiles, et la vérité toute nue à l'éclat du jour. Mais, hélas, au milieu de la route, il perdit ses compagnons perfides, et l'un après l'autre, il s'était détourné de lui. Le bonheur, aux pieds légers, avait disparu, la soif du savoir ne pouvait plus être apaisée, et les ténèbres du doute venaient ternir l'image de la vérité. Je vis les palmes saintes de la gloire prodiguées à des fronts vulgaires. L'amour s'envola avec le printemps. Le chemin que je suivais devint de jour en jour plus silencieux et plus désert. À peine si l'espérance y jetait encore quelques vagues clartés. De toute cette suite bruyante, quelles sont les deux divinités qui me demeurèrent fidèles, qui me prodiguent encore leur consolation et m'accompagneront jusqu'à ma dernière demeure? C'est toi, tendre amitié, dont la main guérit toutes les blessures, toi qui partages avec moi le fardeau de la vie, toi que j'ai cherché de si bonne heure et qu'enfin j'ai trouvé. C'est toi aussi, bienfaisante étude, toi qui dissipe les orages de l'âme, qui crée difficilement mais ne détruit jamais, toi qui n'ajoute à l'édifice éternel qu'un grain de sable sur un grain de sable, mais qui sait dérober au temps avare des minutes, des jours et des années. Fin de la section 7.